Alors voyons à présent ce que nous propose l'oracle de Béline. Quel est son conseil? Ou en tout cas, de quoi veut-il nous parler pour les Capricornes pour le mois de mars 2022 toujours? Alors voyons, Capricorne, mois de mars 2022, Capricorne. Alors attendez, parce que c'est celle-là qui est tombée. J'ai fait tomber de mes mains, mais c'était la coupe, elle était là. Pardon, j'ai fait bouger la caméra. Eh bien, c'est très sympathique, comme vous pouvez le voir, puisque là, on a de l'argent qui rentre, ou en tout cas, la carte des satisfactions à côté. Donc, beaucoup de plaisir et de générosité autour de vous, si ce n'est de l'argent. En tout cas, vous pouvez vous faire du bien. Et Mars semble être heureux. Alors, on va voir quel est le tirage, bien sûr. Tirage du mois de Béline pour les Capricornes mars 2022. Ouf, ça c'est dans le passé. Alors j'essaie de vous montrer les cartes. On va peut-être faire ça pour que vous voyez tout. Tac, tac, tac. Bon, alors par rapport à une grosse déception, quelque chose qui est tombé à l'eau dans le passé proche, mais vraiment ça vous a beaucoup déçu. Et puis là, il n'y a plus d'espoir là-dessus. Eh bien, apparemment, quelque chose de nouveau arrive. Il y a une solution qui se propose. Quelque chose concernant alors un nouveau contrat, un nouvel arrangement qui vous fait plaisir et qui apporte un changement financier ou d'origine ou professionnelle. Et c'est vrai que par rapport à une déception, plutôt, moi je dirais qu'on est plutôt dans le domaine matériel ici, eh bien une nouvelle solution arrive et vous devriez vraiment souffler et être rassuré par rapport à une perte qui a eu lieu dans le passé. Ça peut concerner un projet, ça peut concerner les finances, ça peut concerner un travail. Vous êtes peut-être passé à côté d'un emploi. Et dans ce cas-là, il y a quelque chose de nouveau. Et là, je le dis, mais en même temps, je le tire. Je l'avais dans la tête avant de le tirer. Donc, la nativité. Donc, il y a vraiment une nouvelle voie qui vous est proposée au mois de mars 2022. Et elle est très positive. Alors, profitez-en.